J'ai beau pas rapper, pour les meufs et le cash. Il en faut, mais là je te parle pas de monnaie. Nakanda, je te promets que même pour une bonne paire de seufs et plein de hache, c'est faux, je vais pas me cartonner. Pour les meufs et le cash, il en faut. Mais là, je te parle pas de monnaie. Mais là, je te promets que même pour une bonne paire de seufs et plein de hache, c'est faux, je vais pas me cartonner. Je vais pas me cartonner, je suis un type touriste. Je n'aime pas mes caresses, malgré ma paresse. Mais rien d'arrêt de paresse, à ce qui paraît, je suis fou. J'ai de la malice, mais pas de charisme, m'en fous. Je veux juste ma mise, j'appuie pour le love. Je suis même pas un type touriste. Just like my father The rhythm to the boogie, the beat. Say the re-rock, Skippy D. But guess what? America, we love you. But guess what? America, we love you. And we want to say it ever again. Re-rock, re-rock, Skippy D. But guess what? America, we love you. C'est quoi? Tu fais ce dégoût. hop, hip hop, to the hip, hip hop, don't stop, the rock it to the boogie, bang, boogie, sit down, jump, boogie, to the rhythm, to the boogie, to beat. Now what you hear is the test, I'm a rockin' to the beat, and me, the groove, my friends, come to the movie beat. See, I am Wonder Man, and I'd like to say hello to the black, to the white, the red, and the gray, to the purple and yellow. Bang, bang, boogie, to the chum, to the say, the rhythm beat. So far, you've heard me verse on the mic. So far you've heard my voice and I brought two friends along. Oh, next on the mic is my hand and crown. You can't sing the song. I'm feeling good. To the depth of the speed of the wind, my Heard Thank you.